On va parler d'NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ah, regarde, un matin, c'est très ordinaire. Un matin, on m'a dit une affaire. C'est le décès d'un de nos collaborateurs. Je dirais pas que c'est un de mes chums, là. Faut quand même pas compter d'histoire. Je dirais pas que c'est un des réguliers non plus dedans la radio. C'était pas comme Phil Desgagné, Marc Fortier ou toi. Même toi-même, t'es rendu un régulier, là. Mais c'est un gars que j'appelais une fois par mois, puis qu'on entendait à d'autres stations de radio également. Et de le voir partir aussi vite, une crise de cœur, ben ça fait dans la mythe, comme qu'on dirait. Ça ramène la réalité, les choses de la vie, hein, mais Ouais. c'est la vie. Ouais. Hey, je veux parler de. On va avoir plusieurs points à te parler d'abord. On a du temps ce matin. On va parler des Raptors. Écoute, sais-tu moi, ben, quand Kyle Lowry est pas là, les Raptors jouent mieux. Tu sais, c'est. Danny, je veux pas dire ça, mais tu l'as dit. C'est pas la même chimie. C'est pas, t'sais, je pense que Toronto, comme Cleveland, comme Détroit, quand je dis Cleveland, je parle de Andre Drummond, Détroit, je parle de Blake Griffin. On veut passer à d'autres choses. Et je pense que l'équipe, Kyle Lowry est excellent, là, Danny, mais peut-être pas pour ce groupe-là. Ce groupe-là, peut-être qu'ils sont plus nécessairement à l'écoute de Kyle Lowry, mais l'affaire positive, t'sais, je dirais pas que c'est seulement Kyle, parce que je suis sûr que Kyle Lowry, c'est une très bonne personne dans le vestiaire, c'est une très bonne personne. Mais je pense qu'on les voit remonter dans l'Est en ce moment, puis c'est vraiment le fun, là, Danny, là, de voir ça. C'est Théo Van Vliet, Siakam et Powell. Et tu sais quoi, Ouais. Danny? Pour un peu défendre Kyle Lowry, je pense que Siakam joue un petit peu mieux de ce temps-ci. OK. Et Siakam joue mieux, l'équipe est meilleure. OK. Donc, mais c'est sûr, c'est le joueur de concession. C'est le joueur que, quand on a perdu Kawhi, on a dit, on te remet les clés, c'est maintenant tout sur toi. Exact, exact. Et là, je vais te dire une affaire, il joue mieux. Est-ce que c'est le joueur qui peut transporter une équipe? Je suis pas sûr encore, par exemple. Pas sûr encore, parce que DeMar DeRozan, on l'a vu, toujours transporter l'équipe dans la saison régulière. Puis faut, je sais pas comment c'est dans les autres sports, Danny, mais au basket, t'as des joueurs de saison régulière Ben, c'est partout pareil. et t'as des joueurs de playoff. Ouais. Et je pense pas que Siakam est un joueur de playoff de la façon que Kawhi Leonard l'était. Je pense que Kyle Lowry, si Kyle Lowry n'est pas échangé, et peut être une personne très importante dans les séries. Parce que l'année passée, dans les séries, Kyle Lowry est excellent. Siakam a disparu. Adonobi, il a mieux performé, mais Adonobi n'a pas la même pression. Tu sais, tu donnes un contrat à quelqu'un de 125 millions, puis tu dis, voici les clés de l'équipe, puis amène-nous à la terre promise. C'est pas tout le monde qui va prendre ça comme LeBron James ou Kobe Bryant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas mentalement, c'est pas facile. Et des fois, c'est un poids énorme. Le panier devient beaucoup plus petit quand tu as de la pression. Maintenant, Adonobi n'a pas nécessairement la même pression parce que là, lui, il joue pour son prochain contrat. T'sais, on sait que toutes les équipes sont intéressées à lui. Fait il a une pression de juste bien performer. Siakam a une pression de. Quand les Raptors perdent, avant, ça le dérangeait moins. Maintenant, c'est comme si. Ah, c'est ta faute, buddy. L'année de Kawhi Leonard, si on gagne pas, c'est la faute de Kawhi Leonard. Puis les matchs que Exactement. Kawhi n'a pas joués, Siakam voulait montrer qu'il méritait d'être la vedette. Mais là, OK, ben, tu l'as montré. Voici, on accepte que tu sois la vedette. Maintenant, je fais la vedette. Et tu sais, des fois, c'est pas facile être la star, être la vedette. Non. Et je pense que Siakam est plus une vedette, et plus c'est un très bon joueur de saison régulière, faut qu'il démontre en série. Ouais, effectivement, puis c'est pas tout le monde non plus. Il y a des bons joueurs, puis il y a des grands joueurs. Et Exactement. c'est ça la grande différence. Il y a des rumeurs qui circulent qu'Andre Drummond s'en irait à Toronto. Est-ce que tu crois ça? Ouais, je crois ça. Parce Ouais, parce que que qu'est-ce qui les. manque à Ouais, Toronto? c'est un centre. Ben c'est exactement ça, un vrai. Ouais. Drummond, là, c'est pas de la petite bière, c'est le joueur que je pense qui peut aider énormément à remplacer un peu ce que Serge Ibaka faisait et Mark Gasol faisait Ouais. en un. Maintenant, c'est quoi le prix à payer? Est-ce que c'est Adonobi? Karl Lowry, c'est sûr qu'il ne voudra pas aller à Cleveland. Non, Donc, ça serait probablement un échange à trois équipes. Tu comprends ce que je veux dire, Danny? Fait que c'est à suivre, là. mais si on échange Laurie, si on va chercher Drummond, on n'est pas acheteur. C'est ça la différence. C'est que. Et moi, je pense que Kyle Lowry va être échangé, là. Ouais. C'est. Et Mais je fit. pense que Ouais. en ce moment, comme tu as mentionné, Kyle Lowry va peut-être faire partie. Moi, je m'attends à voir, même avec Détroit, peut-être un gros Philadelphie, on parlait. Ben, ouais. C'est ça. Philadelphie pourrait absolument utiliser un Kyle Lowry. Ah ouais, c'est selon clair, moi. Il vient de Philadelphie en plus de ça. Il demeure à Philadelphie. Ouais. On pourrait voir un échange, on pourrait voir des joueurs se promener d'équipe en équipe, puis, mais ça ne sera pas un échange, et, ça ne sera pas Cleveland-Toronto seul, moi, selon moi. Okay. Parce qu'il n'y a rien que Cleveland veut que Toronto va offrir. Cleveland ne sont pas intéressés à Kyle Lowry. Ils ont Sexton, le jeune phénomène. Fait qu'ils sont, il n'y a aucun intérêt pour Kyle Lowry. Là. Ouais. Mais Philadelphie, peut-être qu'ils se disent, hey, là, on cogne à la porte des playoffs. Là. Ouais. On va chercher un gars comme Kyle Lowry qui a démontré ce qu'il peut faire dans les séries. Un choix de première ronde plus un jeune joueur quand les Raptors ont exactement, dit, exactement. Ça, ouais, ça pourrait marcher aussi. Ça va ressembler comme ça. Ça va ressembler à ça pas mal. Là. Bon, LeBron James, 35 000 points. Phénoménal. Est-ce qu'il va devenir... Lui veut jouer. Je ne sais pas comment va son garçon. L'objectif de LeBron, c'est de jouer avec son fils, Brody. Je ne sais pas comment il va, Brody, dans l'école secondaire. Par contre, il va être un joueur NBA. Écoute, il va être un joueur NBA? Quand t'as la génétique, tu prends un Steph Curry et un Klay Thompson qui ont grandi derrière le père qui va dans la vie. J'ai parlé avec Patrick Ewing Jr. cette semaine. Ouais. Puis c'était Patrick Ewing Jr. c'est un Hall of Fame. Puis le fils oublie ça. Là. Ouais, mais je pense que si... Moi, j'écoute un peu ce qui se passe par ça. Il y a plusieurs joueurs qui ont été... dont Gilbert Arenas qui a été travaillé avec... Bronny James, puis il a dit, écoute, j'ai vu ça. Diète, entraînement musculaire, préparation physique, basket. Lui, il n'a aucune pression de rentrer une shot devant 40 000 personnes comme certains autres athlètes. Fait que ça veut pas dire que ton père est une star, tu vas l'être, mais... J'ai un feeling que je le vois aller en ce moment, je serais pas surpris que ça l'invite. Mais la question, c'est pas est-ce que LeBron va jouer avec son fils. La question, est-ce qu'il va surpasser Kareem et devenir ça va avec ça, parce que l'objectif de LeBron, c'est de jouer avec son fils. Donc, s'il va jouer avec son fils, il va jouer plus d'années. S'il veut jouer plus d'années, il va probablement... Danny, je suis pas devant un ordinateur. Kareem, c'est combien de points? C'est-tu 39 000? On va continuer à parler, puis je vais aller sortir la... Okay, la parfait, merci. Mais dans le cas de... Mais c'est ça exactement, là. Oui, non, c'est, je pense que LeBron l'a dit, puis... Kareem Abdul-Jabbar, 38 387. 38 387. Karl Malone, 36 928. Et LeBron est troisième à 35 000. Jordan aurait été sûrement là-dedans s'il n'y aurait pas été... Oublie pas que Jordan, il a commencé, il a fait 3 ans d'université, fait que prend 3 saisons... Plus 2 années au baseball. Dans son prime à 24 points... Plus 2 années au baseball. Plus 2 années au baseball, exact. Mais c'est pas grave, il l'a pas fait. Ouais. Maintenant, donc, on est à 3000 points de Curry, mais c'est phénoménal. 3000 points, ça veut dire quoi? À peu près 3 ans? Ben... Si on fait une mathématique rapide, Danny, 82 matchs, mettons, à 20 points, ça ferait combien, ça? Je vais te compter, là. Je pense que LeBron est à, mettons, ça y prendrait peut-être 4 ans à devenir. Il devrait passer Kareem Karl Malone peut-être dans 2 ans. Bon, je dirais 4 ans. 4 ans, ok. Je dirais 4 ans. Ça va. Brody, il est à quoi, 3 ans? Il est capable, parce qu'il est en... Il est capable parce qu'il est en top shape, LeBron. Ouais. C'est pas comme s'il est en déclin et il fait des saisons de 11 points. Oui, c'est sûr. Donc, j'ai hâte de voir, par exemple, donc c'est phénoménal dans le cas d'Andrew Drummond. Le match d'étoiles est contesté. Moi c'est drôle. Moi, c'est quoi ton feeling, Danny, sur le match d'étoiles, toi? Ben moi, mon feeling, c'est que j'ai hâte de revenir à normal. Puis que, ouais, moi, je suis un peu tanné d'entendre des nouvelles comme un tel cas. Nomme-moi un athlète qui a été hospitalisé, quasiment en danger de mort depuis la COVID. Aucun. Et combien qu'il y a eu de morts? Aucun. Donc moi, je suis même tanné d'avoir des matchs annulés à cause de la COVID. Regarde, Danny, c'est une conversation que toi et moi, on a certaines opinions qu'on a discutées hors onde. On va respecter le gouvernement et les directives, mais on n'est pas les seuls qui ne sont pas nécessairement d'accord. Moi, mon plus gros problème, honnêtement, je dis pas ça méchamment, Danny, je me fous des athlètes professionnels. Okay? Ouais. Moi, je trouve qu'on a une génération de jeunes garçons et filles au Québec. Puis je parle de ma région à moi, puis de mon sport à moi, mais de plein de sports, là, qui viennent de perdre une année. Là. Ben. Un athlète de secondaire 5, Danny, n'a même pas la chance de démontrer qu'il mérite d'être recruté collégial. Puis un athlète collégial n'a même pas la chance d'aller chercher une bourse universitaire au Québec ou à l'extérieur du Québec parce qu'il n'y a pas de saison. Exactement. Et ça, c'est vraiment dur à accepter. C'est vrai. Cette semaine, j'ai parlé à Quincy Guerrier. Je devrais parler à Bénédicte Mathurin cette semaine, si tout va bien. Excellent, Danny, donc, je suis content. Mais des Bénédicte Mathurin et des Quincy Guerrier, c'est sûr que François Legault ne le connaît pas, puis je ne sais pas c'est qui, mais c'est des Québécois qui jouent devant ESPN. Ben, aux États-Unis, on joue au basket, là. Je veux dire, Émile Rioux, un de mes anciens de Mortain, qui est dans un prep school aux États-Unis, lui, il y a des matchs à tous les week-ends dans des genres d'organisations bulles qui appellent, mais il y a pas de spectateurs, mais il y a des matchs. Ouais. Ils essaient de tu sais, moi, je pense qu'on manque le bateau avec certains jeunes pour les empêcher. Peut-être je comprends le fait de Mortain, l'école où je suis, on n'ira peut-être pas jouer à Québec, là. Je peux comprendre ça, là. Mais je pense que dans la région de la Montérégie, on pourrait jouer des petits matchs, on pourrait faire du 3 contre, on pourrait faire des activités juste pour, tu sais, je sais pas, parce que... Il y a pas un médecin... Oui, il y a le côté élite, puis ça, je tiens d'accord avec toi, mais au dépend de ça, là, Pascal, c'est la santé mentale. On entend de plus en plus de jeunes. La santé mentale des jeunes, exactement. Je suis à 100% d'accord. Les gymnases sont fermés. Pourquoi? Pourquoi tu fermes les gymnases? Je comprends pas. Quand ils se sont tous préparés à bien gérer ça, et tu l'as dit. Puis, comme je te dis, il y a certains cas qui sont peut-être uniques, là, mais moi, j'ai eu des cas de jeunes que je connais personnellement, que ils ont reniflé, puis la COVID, c'était ça, là, tu comprends ce que je veux dire par là, Danny? Oh, ouais, en tout cas. Ouais, fait que, non, mais je reviens au match des étoiles, je pense qu'à quelque part, c'est le temps qu'on passe à autre chose, puis c'est bien correct qu'il n'y ait pas. LeBron ouais, n'était pas d'accord avec ça, je pense là, que mais le commentaire de LeBron James de certains joueurs, c'est de dire, avec ce qui se passe, c'est peut-être pas le temps d'aller faire un week-end flamboyant quand tout le monde souffre en ce moment. Je pense que c'était plus ce côté-là, Danny. Tu comprends-tu? Ouais. Je pense que la week-end, la fin de semaine des étoiles, c'est un gros party. Il n'y a pas de party en ce moment, c'est pas le temps. Puis moi, mon problème avec la NBA puis le match d'étoiles, je ne sais pas si le hockey va le faire, c'est que moi, je juge que c'est... On veut faire notre argent. On veut faire notre argent. C'est le hockey. C'est clair. Parce que les joueurs... Moi, je suis à 100% d'accord avec les joueurs, Danny. Ils ne devraient pas avoir de match d'étoiles pour la simple raison que... Attends, là. Tu vas emmener un joueur des Nets de Brooklyn avec un joueur des Lakers, avec un joueur des Cavaliers dans la main. Voyons donc. On essaie de faire un effort de garder la distanciation. Tu sais, ben, ça va un peu à l'encontre de ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent faire en ce moment. Danny, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça mon point par rapport au match d'étoiles. Puis on dirait que la NBA tient à faire son cash, puis il veut avoir une fin de semaine. En tout cas, personnellement, je suis d'accord. Je suis pas contre ou pour. Je suis d'accord pour certains joueurs qui sont contre. Je les comprends. OK. On va y aller maintenant avec... je veux te parler de la NCAA un petit peu. Je sais que tu n'es pas un grand partisan de la NCAA, mais je veux t'en parler pareil. D'où qu'il ne sera pas du March Madness. C'est impressionnant. Écoute, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu D'où pas être du March Madness. Tu te rappelles-tu, toi? Mais je pense qu'ils ont... Est-ce qu'ils sont pas... Est-ce qu'ils ont arrêté leur saison? Non. Ils jouent ce soir, même, de ça. OK. Mais non, c'est... C'est spécial, c'est pareil. Mais ce qu'on dit, mais c'est Danny, en 2020-21, on sait que... C'est spécial, rien qui nous surprend, là. Ouais. Ça fait quelque chose. Je sais qu'un de leurs meilleurs joueurs a décidé de quitter l'université pour s'entraîner personnellement, pour se préparer pour le repêchage. Okay. Et attends-toi à voir plusieurs gros joueurs NCAA faire la même chose, surtout parce qu'ils ne veulent pas se blesser en ce moment. Okay. Pour être capable de... Tu sais, c'est rendu vraiment une business. Il y a des entraîneurs privés maintenant qui font juste ça. Les agents vont payer ces entraîneurs-là. Le jeune s'en va à Los Angeles, à Atlanta, à Orlando, puis il s'entraîne. Il se lève le matin, il y a un diététicien, il y a un entraîneur personnel, il y a un préparateur physique, puis il y a un coach de dribble, un coach de shoot, puis on s'entraîne, puis après ça, là, on recommence le même matin, puis on se prépare pour la NBA. Ouais. Ah non, c'est... Tu sais, Danny, le jeune joueur des Warriors de Golden State, James Wiseman, c'est ça qu'il a fait. OK. Puis il a été repêché numéro 2. Comment ça va la G League avec leurs équipes? J'ai pas regardé, je sais que Karim Mann de Montréal, de la Rive-Sud, de Gérard Filion, et avec le G League, l'équipe d'Orlando, ils sont tous à Orlando dans une... Un peu comme la NBA a fait, là, la G League est là-bas, là. OK. Avec un personnel limité. Ah, OK. Ce que je voulais regarder, c'était plus le côté de l'équipe de... Tu sais, Jalen Green est là-dedans. Ouais, ben, t'as l'équipe, Ouais. moi je les appelle plus la Black Mamba parce que c'est l'équipe qui est avec OK. l'organisation de Kobe Bryant, là. Mais c'est parce que tu as une équipe qui n'est pas avec une organisation NBA. C'est juste une équipe montée où justement tu as parlé de Jalen Green qui fait 500 000 $ cette année, là. Ouais. Fait que mais c'est j'ai pas suivi ça. Peut-être qu'on tous les Moi, deux je on regarde va les faire nos matchs des devoirs. Raptors 905, fait Ouais, que... c'est ça, on va faire nos devoirs. Puis Jeremy Lin, je sais que Jeremy Lin, Jared Jack sont dans la G League Ouais, en il a ce joué moment. 20 Pour points d'ailleurs, Jeremy Lin. revenir dans la NBA. Pascal, un gros merci. On se reparle quelque part dans 2 semaines. Ça fait plaisir, Même, Danny. À je vais bientôt. t'inviter avec Bénédicte si tu peux. Ça devrait être... On est en train de régler ça avec l'attaché de presse de l'Arizona. Fait que si tu veux venir avec Ouais, Bénédicte ça va tantôt. me mentionner, puis s'ils sont d'accord, je participerai à Ouais. l'entrevue. OK. Bon, ben merci beaucoup. Donc, Pascal Jobin qui nous parlait de l'actualité dans l'industrie.